Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Ramsès II, le dernier des grands pharaons. Je vous souhaite la bienvenue dans ce palais de la civilisation qui présente pour la première fois en Amérique de fabuleux trésors de Ramsès II provenant du musée égyptien du Caire. Extrait du mot de bienvenue du maire de Montréal, Jean Drapeau, sur l'audioguide de l'exposition de Ramsès II et son temps, présentée à Montréal en 1985. Vous l'avez peut-être perçu, c'est avec fierté que le maire Drapeau, à l'époque, accueillait les visiteurs de l'exposition présentée sur l'île Notre-Dame. Il faut dire que les 80 pièces présentées à Montréal n'étaient sorties d'Égypte qu'une seule fois auparavant, lors d'une exposition présentée à Paris en 1976. Le coup de maître du maire Drapeau s'est vite transformé en succès populaire. 700 000 personnes ont visité l'Expo Ramsès en 1985 à Montréal, un succès qui atteste clairement de l'importance de la figure de Ramsès II, de la fascination aussi qu'il a continué à susciter au fil des siècles. ans après la construction de la Grande Pyramide et 50 ans après le règne de Toutankhamon, Ramsès II monte sur le trône d'Égypte. Servi par une impressionnante longévité, il en deviendra l'un des plus illustres pharaons et apportera stabilité et prospérité à son pays. Voici le temple funéraire de Ramsès II sur la rive ouest du Nil à Louxor. Sa taille colossale témoigne de la qualité de grand bâtisseur et de son ambition de laisser un héritage pour l'éternité. Les dimensions sont grandioses. Ses statues sont énormes et le temple lui-même est gigantesque. Si les monuments qu'il nous a légués sont remarquables par leur taille, ils le sont également par leur nombre. Nous avons recensé plus de monuments appartenant à Ramsès II qu'à tout autre pharaon. On comprend alors pourquoi on l'appelle Ramsès le Grand. Cet extrait du documentaire « La cité perdue de Ramsès II » diffusé à France 5 en 2016 montre assez clairement l'immense importance qu'il a eue, ce dernier des grands pharaons d'Égypte. Pour nous présenter le parcours, l'héritage aussi de Ramsès le Grand, je reçois Perrine Poiron, qui est égyptologue, doctorante à la Sorbonne. Perrine Poiron, bonjour. Bonjour. C'est vrai que quand on pense à l'Égypte ancienne, Perrine Poiron, le nom de Ramsès II est l'un des premiers qui nous vient en tête. Pourquoi? Ben déjà, c'est parce qu'il a eu un des plus longs règnes connus de l'histoire de l'Égypte pharaonique, à peu près 66 ans. Et en plus, je pense que son âge avancé, lorsqu'il s'éteint, est aussi quelque chose de très, très rare. Il avait 90 ans lorsqu'il est décédé. À l'époque, on vivait à quoi? 25-30 ans pour le commun des gens. Donc oui, en effet, c'est miraculeux presque pour cette époque. Et puis, il nous laisse... Ça fait probablement... Bon, d'abord, c'est un grand pharaon. Et ce qui fait qu'on a encore ce nom en tête, c'est probablement... Je reviens à l'expo de Montréal en 85, mais c'est tout ce qu'il nous a laissé comme patrimoine matériel. Ah oui, oui, oui. La culture matérielle, tant archéologique que d'accessoires, statuaires, bijoux, etc. Je pense que, comme c'était dit dans l'extrait, le nom de Ramsès II est sur les monuments du nord au sud de l'Égypte. C'est vraiment... Il est partout. On va parler un peu de Ramsès II, de l'importance qu'il a au moment où il règne sur cette Égypte, comment il est considéré, entre autres, par les Égyptiens. Puis vous allez voir que c'est comme un dieu qu'on le considère. On écoute à ce propos l'égyptologue Michel Gay à l'émission Les Belles Heures en 1985. Ramsès, donc, c'est un chef d'État. Il gouverne un pays qui est composé essentiellement de paysans. Et en tant que tel, il se trouve finalement à être responsable de l'ensemble des activités économiques, sociales, religieuses du pays. Parce que Ramsès II était un dieu incarné. Pas un dieu dans le sens chrétien du terme, un dieu abstrait, mais un dieu qui incarnait toutes les forces de la nature. Quelqu'un qui était carrément responsable de tout ce qui se passait au pays, de la renaissance du soleil à tous les matins, de la pousse du blé durant la saison, de la naissance des enfants, de l'arrivée de la crue du Nil. Et puis c'était quelque chose des tâches face auxquelles on pouvait pas avoir autrement qu'un bonhomme responsable. Alors ses prétentions qu'on a souvent traité de mégalomane, ambitieux, puis tout le reste, mais je pense que ses prétentions sont à la hauteur des actes qu'il a réalisés. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Il en était parfaitement conscient. Alors, quelle importance il a Ramsès II, Perrine Poiron, au moment où il règne en roi et maître, il faut bien le dire, sur cette Égypte, qu'est-ce qu'il représente de son vivant pour les Égyptiens? Déjà, il y a deux choses. C'est qu'il faut distancer l'image du pharaon qui est divin de par sa fonction et qui en effet est responsable des crues du Nil, du lever du soleil, du règlement de l'ordre. C'est lui qui est le pharaon, c'est l'intercesseur entre les hommes et les dieux. Il fait régner l'ordre, la justice, la mat contre le chaos. Donc déjà ça, quel que soit le pharaon, oui, il représente ça pour le peuple. Mais Ramsès II a ce site particulier que c'est un des rares rois qui a été divinisé de son vivant. L'exemple qu'on a le plus probant est une scène d'offrande de Ramsès II lui-même, qui fait une offrande à Amon, à Mout et à lui-même divinisé, qui se trouve à Abou Simbel, sur les reliefs des temples. Donc c'est un roi qui a été lui-même divinisé de son vivant. Donc dans sa propagande, dans sa politique, la connaissance de l'image qu'il avait de lui et ce qu'il voulait diffuser au peuple était beaucoup plus grande que ses prédécesseurs. Ouais. Où est-ce qu'il se situe, Ramsès II, dans cette succession de pharaons dans l'histoire d'Égypte? Il appartient, c'est le troisième pharaon de la 19e dynastie. Comment il se retrouve donc à la tête de l'Égypte lui-même? Puis plus largement, comment cette 19e dynastie se retrouve-t-elle elle-même au pouvoir en Égypte? Mais alors, en fait, au début de l'émission, on a entendu un extrait qui disait que c'était à peu près 50 ans après Toutankhamon. Donc, c'est 58 ans environ avant Akhenaton, donc la révolution amarnienne où ce pharaon a voulu mettre en place le culte d'un dieu unique au détriment des autres divinités du pays. Il avait déménagé sa capitale, donc on est dans un moment où l'Égypte subit différents bouleversements culturels, politiques et idéologiques. Et lorsque Toutankhamon décède, en fait, ça va être Haï, son grand-père, qui va prendre le pouvoir. Il sera très âgé, donc en fait, ça va être le général Horanheb, qui était à la fois donc général sous Akhenaton, Toutankhamon, Haï, mais aussi beau-frère de la reine Néfertiti, puisqu'il avait épousé sa sœur, qui va être choisi pour devenir le pharaon. Malheureusement, il n'a pas d'héritier. Mm-hmm. Donc, au moment de sa mort, il choisit, enfin, au moment de passer le pouvoir, il choisit, en fait, de donner le titre de prince héritier à Ramsès premier, un de ses généraux, donc qui s'appelle Ramsès, qui est le grand-père de Ramsès II. Donc en fait, lui, il est très âgé, il ne va régner qu'un an environ. Mmh. Et une des raisons du choix de Horanheb s'explique par le fait que Ramsès Ier avait déjà un fils et des petits-enfants. Donc la lignée, la continuité était déjà bien assurée. Et en plus, c'était une famille de militaires. Ouais. Donc au niveau de tout ce qui est stratégie, connaissance de la géopolitique environnante, ils avaient vraiment une très très bonne connaissance. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles cette famille a été choisie. Donc Ramsès Ier règne un an, son fils Séti Ier va régner une quinzaine d'années et Ramsès II va très tôt être associé au pouvoir de son père. Mm-hmm. D'ailleurs, dès l'an 1, il va y avoir des cérémonies qui vont exprimer le lien que Séti Ier veut faire avec son fils. En Abydos, on a d'ailleurs la liste de tous les noms du roi où on voit le père transmettre à son fils le patrimoine de l'Égypte avec le nom de tous les pharaons qui ont précédé. Mm-hmm. Donc, le lien est assez rapide et tôt pour Ramsès II. Ouais. Famille de militaires, disiez-vous, c'est important, ouais, parce que le règne de Ramsès II va être, comment dire, caractérisé par deux choses. Son fait court et simple, la prospérité économique, on y reviendra dans un instant, et la guerre. Oui. C'est très, très important dans le règne de Ramsès II. À qui fait-il la guerre et pourquoi mène-t-il cette guerre? En fait, pendant 66 années de règne, on peut imaginer qu'il a multiples campagnes et multiples raisons et motifs de faire la guerre. Une des plus célèbres batailles qui est connue et que lui-même a plébiscisée de son vivant est la bataille de Kadesh, mm-hmm, où donc l'Égypte est confrontée à l'Empire hittite, mais aussi à une coalition syro-palestinienne, si on peut dire, d'un point de vue géographique, puisque dans le fond, les hittites ont réussi à faire un consensus avec tous les royaumes environnants, et même à prendre le royaume de l'Amourou, si bien qu'en l'an 4 de son règne, Ramsès II décide de faire une première campagne dans le couloir syro-palestinien, question de récupérer ce territoire et son allié. Et en l'an 5 a lieu la célèbre bataille de Kadesh. Mm-hmm. Donc, sur les parois des temples, Ramsès se fait représenter écrasant ses ennemis, victorieux, hors de tout doute, avec toute l'aide d'Amon, du roi des dieux. Sauf qu'en fait, il faut remettre en contexte les choses, c'est-à-dire que on parle aujourd'hui de statu quo. C'est-à-dire que Ramsès II n'a pas perdu puisque l'enjeu de la bataille, c'était que le roi Hittite voulait kidnapper Ramsès II par surprise. Donc l'attaque a été vraiment surprenante. On le sent d'ailleurs quand on lit les textes de l'époque, la surprise de l'attaque est vraiment probante. Sauf que dans le fond, ils ont réussi à réagir assez vite et à fuir la bataille et donc à mettre le roi en sûreté. Ouais. Donc c'est un échec à ce niveau-là pour l'enjeu des Hittites. Ce qu'ils voulaient faire est un échec. Cela dit, ils arrivent à récupérer de nouveau le royaume d'Amrou. Donc en tant que tel, l'Égypte a perdu ce qu'ils avaient déjà acquis. Par contre, la grande victoire, c'est tous ces traités diplomatiques qu'ils vont réussir à avoir pendant des vingtaines d'années. Ouais. On a une correspondance qui est très très riche de diplomatie entre les deux empires et même ça va être conclu par deux mariages. Le roi Hittite va envoyer deux de ses filles à Ramsès II pour conclure l'accord de paix qui va durer 40 ans même après. Ce qui est intéressant avec la bataille de Kadesh, c'est que c'est d'abord une bataille mythique très connue, très associée au règne de Ramsès II, mais ça fait partie, puis il y en a d'autres. On parlera d'un autre grand mythe autour du règne de Ramsès II, mais évidemment, quand on se coltaille à Ramsès II, on est confronté on doit faire la part des choses entre mythe et réalité. Exactement. Et cette bataille-là, vous venez de nous le dire, mais qui a été célébrée comme une grande victoire au fond, n'était pas une victoire à court terme. Parlons de l'autre grand pan, la prospérité économique. Donc, il fait la guerre pendant à peu près tout son règne contre les Hittites. Oui. Au bout du compte, il aura gain de cause. Oui. Il va neutraliser, entre guillemets, cet ennemi Hittite. Mais la prospérité économique aussi, ça fait partie de son règne. De quelle manière elle se manifeste? Ben déjà, c'est son succès dans l'exploitation des ressources avoisinantes. Je pense notamment aux mines de turquoise, aux mines d'or en Nubie, par exemple, ses campagnes avec les vice-rois de Nubie. Les liens très étroits qu'ils entretiennent. Et d'ailleurs, les constructions de Ramsès II en Nubie sont assez majeures pour montrer la présence de l'Égypte là-bas à ce moment-là et sa prospérité. Et c'est l'or, le blé. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Égypte? En fait, à cette époque-là, c'est surtout l'or. En fait, disons que c'est sa capacité à aller chercher l'or et les ressources, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte, malheureusement, est un vase clos entre les deux déserts. Il n'y a que le Nil. Donc, au niveau des ressources, l'Égypte n'a pas tant de ressources que ça. Donc, elle va aller chercher, justement, les pierres semi-précieuses, l'or, à l'étranger. Donc, c'est de réussir à étendre son territoire pour aller récupérer ces ressources-là. Autre grand mythe, donc, à part cette bataille de Kadesh dont on a parlé il y a un instant, le fameux mythe autour de Ramsès II et du récit biblique par rapport à la grande exode des Hébreux d'Égypte. Écoute sa parole, Ramsès, et obéis. Obéir? Moïse. Il y a d'autres magiciens en Égypte pour nous émerveiller avec d'aussi pauvres talents. Tu croyais peut-être nous faire peur. Pharaon d'Égypte, tu n'as pas encore obéi à Dieu. Laisse partir mes frères. Je viens bénir ces eaux. Vous venez pour les maudire. Nous verrons si un dieu de berger est plus fort que les dieux de Pharaon. Eau de la vie, arrose le désert. Et faire reverdir les prairies. Aaron, que par mon bâton la puissance de Dieu se manifeste. Regardez, le dieu de Pharaon a touché l'eau du fleuve. C'est du sang. L'eau se change en sang. Extrait du film Les Dix Commandements, un film qui est devenu un classique, un grand classique du cinéma réalisé par Cecil B. DeMille en 1956. Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité, Perrine Poiron, de ce récit biblique autour de l'exode des Hébreux d'Égypte, soi-disant à l'époque de Ramsès II? Mais en fait, c'est sûr que la culture populaire a beaucoup biaisé cette réalité, puisque en effet, il est surtout connu dans la culture populaire pour être le pharaon sous lequel se serait déroulé l'exode. Et comme Les Dix Commandements le laissent comprendre, ainsi que des dessins animés ou le dernier film de Ridley Scott, je pense notamment Exodus en 2014, montre Ramsès II sous ce rôle du pharaon de l'Exode. En fait, l'identité du pharaon sous lequel se serait passé l'Exode n'est pas mentionnée dans la Bible. C'est principalement la ville de Pi-Ramsès. Donc, les gens ont un peu fait l'amalgame entre la ville et le nom du roi. Parce qu'en fait, Ramsès est le fondateur de cette capitale. Donc, c'est comme ça que le raccourci s'est fait. Manéthon, qui est un historiographe gréco-égyptien soupçonné Mée II, Philadelphe, au IIe siècle avant notre ère, mentionne quant à lui un certain Amenophis qui aurait été éventuellement le pharaon de l'Exode. Mais en fait, il est difficile de rattacher cet Amenophis avec un roi du Nouvel Empire. Mais il évoque principalement non pas l'Exode, mais un bannissement d'étrangers venus s'installer en Égypte. Donc, l'idée que ce bannissement fut celui des Hébreux, en fait, a été diffusée par Flavius Joseph au 1er siècle de notre ère, qui était donc de confession juive. C'est un auteur romain de confession juive. Et il a voulu traduire ce bannissement de population comme étant celui du peuple hébreu. En fait, il s'agit du bannissement des Hyksos, donc durant la deuxième période intermédiaire, avant le début du Nouvel Empire. Ouais. Et les Hyksos, c'est le peuple étranger, les Rekaou Hassout, est venu s'installer en Égypte, ont pris le nord de l'Égypte, et ils ont régné à peu près 400 ans, et ils ont été après boutés hors d'Égypte, et c'est le début de l'avènement de la 18e dynastie. Et donc, ça n'a rien à voir avec le peuple hébreu et son histoire. Et d'ailleurs, maintenant, même les égyptologues, notamment, je pense à Sommaire, qui a publié la dernière biographie francophone sur Ramsès II, ne mentionne plus maintenant ni l'Exode, ni Moïse dans les documents scientifiques. N'en parle même plus. Mais c'est quand même fascinant de voir que l'idée continue de 2014. C'est quand même pas loin de nous, ce film de Ridley Scott. La puissance de la culture populaire. En fait. Les grands monuments. Évidemment, on s'attaque tout de suite pour terminer cette émission à l'héritage de Ramsès. Oui. Et on le disait un peu plus tôt, il nous laisse énormément de choses, de très, très grands monuments partout en Égypte. Je propose d'écouter un extrait de reportage, un film en fait des actualités françaises réalisé en mars 63, parce que ces grands monuments, dans certains cas, et le plus célèbre, le temple d'Abou Simbel, on a dû travailler pour les protéger. Écoutez ce qui suit. Sur 500 km, d'Assouan en Égypte, à la cataracte de Dal au Soudan, s'étend sur les rives du Nil ce que l'on a appelé le plus grand musée en plein air du monde. Des centaines de monuments antiques et de sites archéologiques inestimables que l'eau, retenue par les barrages d'Assouan, menaçait d'engloutir à tout jamais. Ainsi, comme le démontre cette maquette, les prestigieux temples d'Abou Simbel auraient-ils disparu sous les eaux si l'on avait projeté de les reconstruire 64 mètres plus haut. Déjà, les statues colossales de Ramsès II qui commandent l'entrée du grand temple ont disparu sous un talus de sable protecteur, tandis que les scies électriques ont commencé de découper le grès qui sera transporté par blocs de 30 tonnes. Le déplacement en pièces détachées nécessitera 6 années. Et le soleil, comme il l'a fait depuis 3 millénaires, pourra, au fond du temple, continuer d'illuminer à l'aube la statue du pharaon Dieu. 1963, cette archive, donc ce colossal travail de protection du temple d'Abou Simbel se passe dans les années 60. C'est un temple important, Perrine Poiron. Pourquoi? Quelle importance il a, le temple d'Abou Simbel? Bien, d'une part, c'est parce qu'il fait partie du programme de sauvetage lancé le 8 mars 1960 par l'UNESCO pour sauvegarder certains temples d'Égypte qui auraient été submergés par le barrage d'Assouan, en fait. Donc, sous l'actuel Nac Nasser, en fait. Donc, le temple de Philae et le temple d'Abou Simbel sont deux exemples de temples qui ont été sauvés de cette inondation. Et en fait, le temple d'Abou Simbel est vraiment majestueux pour deux raisons. C'est qu'il est composé de deux monuments, le grand temple et le petit temple. Le grand temple est dédié à Ramsès II, sa gloire, et justement commémore la bataille de Kadesh. Donc, c'est assez rigolo de voir que dans le sud de l'Égypte, on promeut la victoire sur le nord, donc ça aussi un beau message de propagande. Et à côté se trouve le petit temple dédié à son épouse favorite, Néfertari, qui avait toute son affection. Donc, c'est deux couleurs, deux environnements, deux univers totalement différents. Ouais. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir l'ingéniosité des personnes qui ont travaillé au déplacement de ce temple. Parce que, comme est dit dans l'extrait, une fois par année, en fait, c'est deux fois par année, est illuminée une pièce au fond du temple où se trouvent quatre statues. Donc, il y a Ré, Ptah, Ramsès et Amon qui restent cachés, puisque c'est le dieu caché, donc ils restent dans l'ombre. Et donc, deux fois par année, le 21 février et 21 octobre, à l'époque égyptienne, cette salle était illuminée. Et parce qu'en fait, le déplacement, même si c'est sur le même axe, est décalé de 40 cm, donc c'est une journée par 40 cm, ça a décalé de deux jours, donc maintenant c'est le 23 février et 23 octobre que la salle est illuminée. Donc la perfection du déplacement, l'ingéniosité des personnes qui ont déplacé, je pense que ça a accentué la gloire du monument déjà. Fallait retrouver le même axe pour avoir le même effet d'éclairement. Exactement. Deux fois par année. Et cette connaissance aussi de ce symbole, puisqu'il y a encore des célébrations qui se fêtent devant le temple. Les Égyptiens fêtent leurs fêtes culturelles, en fait, lors de cette journée. Évidemment, ce sont peut-être les deux exemples les plus... Mais il y a plein d'autres monuments, d'autres temples un peu partout dans l'Égypte que nous laisse Ramsès. C'est celui qui nous laisse le plus de monuments, vous me corrigez. Oui, il est présent du nord au sud de l'Égypte. Il est présent vraiment parce qu'à Tanis, on a des... Donc, dans le delta, on a encore des blocs de remploi utilisés par les pharaons de la 22e dynastie qui porte son nom. Ouais. On en a à Memphis, on en a le gros colosse allongé qui se trouve à Memphis, pour donner une idée. Ouais. Et sinon, on a le temple de Karnak et le temple de Luxor, je pense juste à ça, ou à Abydos, ou le Ramesséum aussi sur la rive ouest. Racontez-moi, Perrine Poiron, l'histoire autour de la momie de Ramsès. Elle est assez cocasse parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la tombe dans laquelle on a trouvé Ramsès II n'est pas la tombe dans laquelle il a été inhumé au départ. Donc, c'était la KV7 dans laquelle il était inhumé. Mais autour de la fin de la 20e, début 21e dynastie, la situation économique en Égypte était très, très, très ardue. Et il y avait énormément de pillages. Donc, les prêtres d'Amon, étant conscients des dangers que risquaient les pharaons et leurs trousseaux, en fait, ont décidé de déménager ces momies dans une cachette qui a été trouvée. Donc, c'est la TT320 à Del El Bahari. Ces corps ont été déménagés aux alentours de 1098, à peu près 1069. Et dedans ont été retrouvés environ 5000 objets, dont 36 sarcophages de pharaons du Nouvel Empire, dans lesquels figurent Séti Ier, donc le père de Ramsès II, Toutmosis II, le père d'Hatshepsut, la reine pharaon, si ça peut situer, mais également Amosis, le fondateur de la 18e dynastie, celui qui d'ailleurs a exclu les Hyksos d'Égypte. Mais le contexte de la découverte de la cachette en soi est assez intéressant, puisqu'il résulte d'une enquête du service des antiquités, du jeune service des antiquités égyptien, qui était menée par Mariette puis Maspero, et parce qu'ils ont constaté autour des années 1870 la présence de nouveaux objets portant le nom de pharaons différents. Et ils se sont dit, il y a quelque chose, ils ont trouvé une nouvelle tombe, il y a du trafic d'œuvres d'art, en fait, sur le marché noir de l'art. Et aidés de leurs collaborateurs, ils ont remonté la filière jusqu'aux trafiquants. Il s'agissait des frères Abdel El Rasoul. Et la cachette est découverte le 6 juillet 1881. Et le pacha d'Égypte, suite à la découverte donc, du corps de Ramsès II, qui avait de nouveau été remailloté à la 21e dynastie, demande le déshabillage de la momie du pharaon. Et c'est Maspero qui s'y colle le 1er juin 1886, devant une grande assistance composée notamment des ministres du pacha. Et pendant le débandelettage donc, du pharaon, d'un seul coup, son bras est pris d'un mouvement. Il se redresse et les gens autour, effrayés, s'enfuient en courant et pensent que le roi est de nouveau vivant. Et donc, ça a contribué à la naissance de cette malédiction de la momie du roi. Donc, et ce bras-là, il est toujours... levé, oui. Quand on regarde les photos de la momie de Ramsès II, il a toujours la petite main un peu plus surélevée. Perrine Poiron, égyptologue, doctorante à l'UQAM et à la Sorbonne. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.